les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ville d'un concile, ville des états généraux du royaume, ville capitale des Visigoths, ville de Charles Quint, ville du centre de l'école des traducteurs, mais aussi capitale de l'histoire du judaïsme espagnol, Tolède. 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne, l'année du désastre, l'attachement incroyable des Juifs à l'Espagne, sans équivalent en Europe. Une nostalgie dite joyeuse. Une série de Sur les docks était consacrée en 2009 à l'Espagne. La troisième émission s'intéressait à la présence des Juifs séfarades dans la ville de Tolède. La France et Portugal veulent bâtir une Europe unie par nostalgie d'empire. Ce sont les mots exacts de Pierre Bourdieu. Dans une poésie, je dis que les Juifs étaient partis de l'Espagne, mais que ces âmes ont resté ici. L'Espagne est un nom. Y una simbología en la que muchísima gente no se siente representada, ni en la bandera, ni en el himno, ni en la figura de la jefatura del Estado, porque ha sido algo impuesto por la dictadura, ¿no? Si fuera cristiana, yo te llevaría en paño de seda. Quand tant de génies peignent et écrivent tant d'œuvres immortelles, qu'est-ce que c'est sinon un âge d'or? L'Espagne est la vocation universelle. Les nostalgies espagnoles, un voyage dans les identités d'un pays, une série documentaire de Patrick Pépin, réalisée par Christine Diger. km d'autoroute relient l'ancienne ville royale, Grenade, à l'ancienne capitale impériale, Tolède. Autoroute gratuite car il y a aussi l'autoroute payant. L'Espagne, qui a manqué cruellement d'axes de circulation adaptés pendant des années, se retrouve aujourd'hui face à un capital d'axes autoroutiers doublés, modernes et confortables. Ça a beau avoir quelques années, la surprise reste toujours présente, comme si le tout n'avait pas été fait de la main de l'homme avec des fonds européens la plupart du temps, comme si un miracle soudain s'était abattu sur la péninsule. Rappelons-nous ce que disait Francisco Sánchez. Du temps du Quichotte, il fallait compter 3 semaines pour aller du cœur de la Castille jusqu'à celui d'Al-Andalus. Il y a encore 2 décennies, il fallait compter la journée. Maintenant, un peu plus de 3 heures suffisent. Grenade-Tolède s'est imposé à nous comme un chemin initiatique pour tracer la route qui va de la nostalgie d'Al-Andalus à celle de Séfarade. Comme toujours sur un itinéraire européen, la grande histoire côtoie l'anecdotique. Passer par Bailén renvoie aux guerres napoléoniennes, à ce que les Espagnols nomment la Guerra de Independencia. Bailén, 19 juillet 1808, preuve sans rémission que les armées du Premier Empire ne sont pas invincibles. Apercevoir dans le lointain la pancarte Linares, c'est revenir à la question rituelle posée à celles et ceux qui se piquent de tauromachie. Seule la réponse vaudra ici. 29 août 1947, mort de Manolete, mort de celui qui a révolutionné l'art taurin au XXe siècle. Le cartel, c'est-à-dire l'affiche du jour, annonce une corrida avec des toros bravos de Miura, un trio de maestros, Manolete, Dominguín, Gitanillo et Triana. Question subsidiaire pour les plus savants. Comment s'appelait le taureau qui mit fin au jour du petit génie? Islero. La mère de Manolete avait pour prénom Angustias, angoisse au pluriel. Avec un mari et un fils toreros, vous vous direz qu'il y a de quoi. La longue traversée de la Manche évoque, cela va sans dire, Don Quichotte. Les vignes à perte de vue alternent avec les oliviers et s'associent à la sortie Valdepeñas, un vin dont on disait avant qu'il ne passait pas Madrid, la capitale d'Espagne franchie vers le nord. Il devenait pellejero, il tournait au vinaigre. Le temps de se concentrer sur la route, celui de se laisser aller aux évocations savantes et anodines, il faut tourner à gauche, ne plus suivre l'indication Madrid et choisir Tolède. Tolède qui se profile dans sa majesté avec le Taj à ses pieds qui lui fait la cour. Nous sommes arrivés à Tolède enfin. Notre enquête, notre voyage dans l'identité de l'Espagne se poursuit. Aujourd'hui, la nostalgie de Séfarade. Franco est mort hier, 20 novembre 1975, à l'âge de 83 ans. Un demi-siècle plus tôt, mon père traversait avec moi l'une des oliveraies ayant appartenu à Aaron Cabrera, mon grand-père. Il me conduisait au bureau de recrutement pour m'y inscrire comme saisonnier. Ce jour-là me fut révélée l'imminence d'un exode qui durerait 40 années. Un exode qui suivait un retour à la terre que 400 ans d'éloignement n'avaient pas suffi à effacer de la mémoire familiale. Mon père avançait, blême dans la lumière de l'aube qui ranimait les vergers aux alentours de Tolède, arbre que mon grand-père avait décidé de racheter en revenant du Maroc. Fruitier dont les racines, d'une profondeur plus symbolique que suffisante pour compenser l'absence et le bannissement, s'ancraient dans une terre qui n'était plus la nôtre. Il n'avait pas cet air humble et recueilli qu'il affichait, retranché dans la prière, la lecture des textes, seul bien dont il semblait avoir hérité, en compensation de la propriété confisquée et qu'il foulait avec réticence. Sa main moite en serrait la mienne. Il était impossible de posséder la terre, déconseillé de s'éloigner d'une filiation moins haute que celle des textes sacrés sans payer le prix d'une malédiction dont nos ancêtres avaient enduré le poids après la catastrophe, l'expulsion de 1492. Lecture de Raphaël Entoven des deux premières pages du premier roman d'Olivier Seban, Amapola, publié au Seuil en janvier 2008. Tolède est au cœur de l'histoire de la péninsule, ville d'un concile, ville d'états généraux du royaume, capitale des Visigoths et de Charles Quint, centre de l'école des traducteurs qui lui fera une réputation de tolérance. Mais Tolède est aussi la capitale de l'histoire du judaïsme espagnol. Au-delà, elle a longtemps été une deuxième Jérusalem. Et bien qu'il n'y ait plus à Tolède que des traces architecturales de cette histoire, deux synagogues la symbolisent, Santa María la Blanca et la synagogue del Tránsito, Madrid, Barcelone ou Palma de Majorque ont des communautés nombreuses et vivantes. Tolède n'en a quasiment plus. Tolède reste la référence, l'expression de la nostalgie de Séfarade. Nostalgie, le vocable n'est ni trop fort ni impropre. L'expulsion des Juifs d'Espagne est un acte de souveraineté d'une exceptionnelle brutalité. 1492 reste dans la mémoire collective comme l'année du désastre. Et pourtant, l'attachement des Juifs à l'Espagne, malgré la blessure infligée il y a 5 siècles, reste incroyable, sans équivalent en Europe. Daniel Rosenberg est chercheur à l'Institut des sciences sociales et du politique, CNRS Paris 10 Nanterre. Elle est l'auteur de l'Espagne contemporaine et la question juive, les fils renoués de l'histoire, aux presses universitaires du Mirail. On s'interroge souvent sur cet attachement qu'auraient les Séfarades à leur ancienne patrie. L'une des explications, sans doute, est cette longue présence continue sur le territoire ibérique, puisqu'on pense que les premiers établissements juifs en Espagne, tout comme dans l'ensemble de l'Europe, sont des établissements qui se font avec l'expansion romaine. Bon, donc c'est une longue présence. Et lorsque on essaye de comprendre la spécificité de ce traumatisme de l'expulsion, La différence, l'exception, c'est sans doute ce long enracinement et cette certitude, au fond, des Juifs d'Espagne d'être chez eux, ce qui n'est certainement pas l'expérience d'autres Juifs en Europe. En d'autres lieux, dans d'autres contextes historiques, les départs traumatiques ont mis fin à l'attachement et en tout cas n'ont pas engendré de nostalgie. Et concernant l'Espagne, ce sont les deux phénomènes à la fois. C'est dû effectivement au traumatisme de l'expulsion, puisque c'est un départ presque en une seule fois, et c'est une expulsion qui touche une communauté qui pensait être chez elle, au fond. De fait, cette population, elle emporte avec elle une partie d'elle-même, sa langue, d'ailleurs faudrait dire ses langues, puisqu'il y a les langues juives, mais il y a aussi les langues de l'Espagne, et ils emportent tout cela dans l'exil, et puis ils emportent un rapport affectif très fort, je dirais presque très tendre, lorsque les femmes s'appellent Flor, Estrella, des saveurs, bon, c'est un rapport très, très tangible à la langue. Chaim Vidal Sefira relate que chez lui, il évoque Istanbul et dit « Chez moi, on mangeait du pan d'Espagne ». Ensuite, il y a les mythes, cette fameuse clé de la maison d'Espagne. Hein. Poème de Borges, différents récits. Un ami à moi nous racontait il y a 20 ans s'être retrouvé dans le souk d'Istanbul. Et un commerçant dans l'arrière-boutique lui a montré une vieille clé en lui disant « C'est la clé de ma maison de Tolède ». Donc on a cette nostalgie qui continue. Dans Amapola, Olivier Seban raconte comment trois générations de séfarades ont tenté de refaire leur l'Espagne. Trois manières d'envisager le retour. Le grand-père achète, on aurait envie de dire, rachète la terre. Le père choisit la religion dans un maranisme inavoué. Le fils fait de la mémoire le mode opératoire du retour. Si sa grand-mère, comme pour confirmer le propos de Daniel Rosenberg, s'appelait Perla, le nom des femmes de la famille procède toujours d'une Espagne tendre. J'ai une de mes tantes qui s'appelle Alegría. Ce sont des prénoms qui ne sont pas des prénoms juifs, qui sont des prénoms espagnols, mais qui ne sont pas non plus des prénoms chargés de douleur. Oui, c'est une nostalgie joyeuse, en fait, j'ai l'impression, qui s'est transmise de ce point de vue-là. Tolède, pour les juifs qui ont été expulsés de Tolède, c'est une Jérusalem perdue. C'est un deuxième exil, c'est un deuxième traumatisme, et c'est inscrit toute une mythologie autour de Tolède en disant que Tolède était le moment de l'accord entre les trois religions, un moment de lumière, même si ça a été vrai en partie. Donc c'est un parallèle entre une première expulsion de Jérusalem et ce deuxième traumatisme qui est l'expulsion de l'Espagne, en fait. Est-ce que lorsque vous allez, vous, à Tolède, vous avez l'impression que quelque chose de cette histoire-là vous habite ? Particulièrement à Tolède et en Andalousie aussi. Je me souviens, il y a quelque temps, d'être allé à Cadix et de m'être simplement dit « je retourne chez moi ». C'est très étrange parce que je suis français, bon, j'ai des attaches espagnoles. Bon, c'est mon pays de lumière, en fait, l'Espagne. Et c'est vrai qu'en atterrissant à Séville, je me suis dit « ça y est, je retourne à la maison ». Malgré le décret d'expulsion signé par les rois catholiques, une communauté juive s'est peu à peu reconstituée en Espagne au fil des années. Ces vagues de départ donnent à la communauté une couleur très marquée. Daniel Rosenberg s'explique. Les grandes vagues d'immigration, ce sont les vagues qui correspondent au départ du Maroc, l'indépendance du Maroc et aussi bon, d'Égypte. Il y aura plusieurs vagues successives, des gens donc qui, pour la plupart, qui ont déjà des liens forts avec la péninsule, qui parlent espagnol, qui ont déjà, dont les familles ont l'habitude de voyager en Espagne. Et ce sont ces personnes qui vont construire les communautés juives telles qu'on les connaît aujourd'hui. Puis plus tard vont venir d'autres vagues moins importantes. Mais aujourd'hui, on considère que les communautés juives d'Espagne sont à 50% au moins constituées de ces populations donc originaires du Maroc. Et ce sont elles qui donnent sa tonalité dominante, disons, au judaïsme espagnol. Au fond, elle n'est pas aussi séfarade qu'on l'imagine. Il y a deux clichés que je crois importants de détruire. C'est d'une part, les juifs aujourd'hui en Espagne sont donc les descendants de ces juifs expulsés. Et d'autre part, une présence qui serait due à la nostalgie de séfarades. Mais il est vrai que dans ce contexte et dans ces groupes juifs mélangés, la tonalité séfarade et l'histoire au fond du judaïsme espagnol donnent une imprégnation particulière. Au fond, c'est un peu comme si ces juifs qui résident en Espagne étaient légitimés de par ce passé de convivance. Et je pense à un documentaire dans lequel Samuel Toledano, qui est décédé aujourd'hui, qui était un des grands leaders communautaires, se promenait dans les rues de Tolède, évoquait son ancêtre qui s'appelait Daniel Toledano, je crois, et qui disait de façon très belle « Lorsque je marche dans ces rues, je pense à mon ancêtre qui vivait ici autrefois, et je me demande si beaucoup d'Espagnols peuvent revendiquer une ancienneté aussi lointaine, aussi forte, un enracinement aussi fort dans le pays. » Alors effectivement, lorsqu'on s'appelle Toledano ou Carmona, ou lorsqu'on possède le nom de ces villes, c'est certainement une sorte de certitude d'être espagnol, de fait. Il y a une façon de se sentir juif en Espagne qui est un peu différente, sans doute, de celle d'autres pays européens, en dépit ou en compensation, je ne sais pas comment le dire, de leur faiblesse numérique. Que mandan los reyes que paséis la mar. Ce lien si particulier qu'entretiennent les séfarades avec l'Espagne est confirmé par Miguel Ángel Bastenier, éditorialiste au País et spécialiste du Proche-Orient. Je crois qu'il y a un lien réel avec ce séfardisme et une capacité de se reconnaître. Je me souviens la première fois que j'ai entendu parler l'espagnol du Moyen-Âge, parler, ou en tout cas parler par le... Les séfardis, je me souviens, ça s'est passé à la fin des années 60 dans une plage d'Istanbul, dans une plage turque. Je savais qu'il y avait donc une façon de parler espagnol ancienne, etc., etc. C'était deux filles juives, turques, qui parlaient couramment entre elles, qui parlaient l'espagnol de souche moyenâgeuse, etc., etc. Oui. Donc c'est une chose qui, sans doute, a une force terrible pour nous, voir qu'il y a encore quelques douzaines de milliers de juifs d'origine de souche espagnole, ibérique, etc., qui parlent encore couramment notre langue pour exprimer absolument toute la politique, l'amour, la guerre, quoi que ce soit. Donc il y a un lien réel. Y una noche yo me armé por vuestro vecindado, decimos la puerta abierta y el candil amatado. Tirilaira, oh, tirilaira, oh, ah. Tirilaira, oh, tirilaira. Mais la mesure de cette nostalgie, ce n'est pas à Tolède que nous allons la trouver. Tolède est rêvée, mais Tolède est tout à la fois la ville inscrite au patrimoine mondial de l'humanité avec ses cohortes de touristes. Tolède est surtout restée un haut lieu de la geste franquiste, la défense par le colonel Moscardó de l'Alcázar et le premier coup politique de Franco qui ne tentera pas la conquête de Madrid, mais fera sauver l'académie militaire où il s'était formé. En face du Socodo Vert, une femme jeune, seule, un pichet de sangria devant elle, à l'accent probablement une sud-américaine, et un peu plus loin une inscription. « Al heroico general don José Moscardó, la ciudad imperial. » Au général Moscardó, la ville impériale. Du Tolède juif, du Tolède tolérant et pluriculturel, ne reste que les bâtiments. C'est donc à Madrid, dans les locaux de la radio publique à Prado del Rey, que nous allons rencontrer une langue, le judéo-espagnol, et la nostalgie incontournable de Sefarad. Agora transmite Radio Nacional de España, Radio Exterior, en su emisión Sefarad en lengua judeo-española. Saludamos cordialmente a nuestra audiencia de Medio Oriente y Mediterráneo, que nos puede oír los lunes a las 18:25 horas. Ainsi parlait-on le castillan au XVe siècle. L'âme de cette émission en judéo-espagnol, diffusée toutes les semaines sur Radio Exterior, le RFI espagnol, l'âme, ce n'est pas la fille, celle qui compose et qui chante, mais la mère, Mathilde. Depuis des années, elle ne lâche rien. Vit et travaille sous le sceau d'une triple identité, juive, espagnole et judéo-espagnole. C'est par la langue et la mémoire que se sont constitués ces liens fragiles entre le pays qui a expulsé et ceux qui, malgré l'affront et la douleur, ont choisi des siècles durant de se sentir malgré tout, si ce n'est espagnol, tout au moins d'Espagne. Cette émission dont nous avons écouté le début parle au monde avec ses points forts en Amérique latine. Elle est dans sa version restreinte diffusée sur la chaîne culturelle de la radio publique. Ce qui est touchant, émouvant et fort, c'est la puissance du souvenir. C'est la nostalgie si positive qui se dégage du récit de Mathilde Barnatán. Ce n'est pas de réconciliation ni même de réparation qu'il s'agit, mais du retour habité d'une réalité. Les Juifs d'Espagne ont laissé leurs traces. Et ces traces sont toujours là. 5 siècles d'expulsion ne les ont pas effacées. Mathilde, puis Raquel Barnatán. ree.rne@rtv.es. Je me passionne pour la culture judéo-espagnole. J'étudie sur la lumière et l'ombre, l'Inquisition d'Espagne et l'Inquisition en Amérique. Et j'ai compris que j'avais les deux univers. Parce que moi, je connais les souffrances des Juifs. Et moi, parfois, j'ai des rêves où je sorte dans l'ère de l'expulsion. Je marche. Je les sens d'une manière, comme je te dirais, comme un message qui me vient de mes ancêtres. Et alors, j'étais surprise de ça que j'ai trouvé. Et moi, j'ai fait 7 voyages à l'Espagne avant d'avoir la chance de vivre ici. Parce que cette mémoire, je comprends maintenant que c'était ton message. Moi, je sens la conscience de continuer, de valoriser cette langue. Et dans une poésie, je dis que les Juifs étaient partis de l'Espagne, mais que ces âmes ont resté ici. Et il y a beaucoup de choses que je dois demander à cette Espagne. Je parle à une Espagne qui a été lointaine de toute cette histoire, lointaine après l'expulsion. Je parle à une Espagne qui a élevé les personnes d'une manière très triste pour le judaïsme. Mais aussi je parle à une Espagne qui finalement ouvre ses bras pour recevoir ces personnes, pour recevoir ces messages, pour recevoir une langue qui a marché par tous les chemins, il a traversé des fleuves, des mares, des frontières. Et moi, je désire être la mémoire active. Tres morías tan lozanas iban a coger manzanas, iban a coger manzanas en Jaén. Aisha y Fátima y María. Cáceres, nous avons vu et nous avons découvert une pierre d'une vieille maison où se trouvait la mezouza. Ça que nous mettons dans le jambe de nos portes pour demander bénédiction. Nous nous, nous retrouvons avec l'histoire vive encore. Même si on a voulu l'effacer, c'est impossible. Parce que dans chaque coin, dans chaque moment, dans une rue, apparaît le nom d'un personnage auquel qui crie en cette Espagne. Et c'est par cela que aussi Rachel a composé une poésie, Les arbres de Cáceres. Y los árboles fueron testigos, mas sus raíces profundas no pudieron arrancar. Y ainda hoy día se retuercen en la tristura. La tierra quebró su historia y los vio desaparecer uno a uno, día a día, si Dios de Cáceres. Mas sus huellas se quedaron en las ollas de árboles, en las chicas plazoletas, en las calellas de piedras. Los muros los derribaron, echando en vallo sus vidas, sus amigos, sus amores, sus viejas juderías, ma un chico buraco dejaron, escondido del pasado en el dintel de la puerta. Ahí, por la arrogancia, la intolerancia, la mezuzá caía, llorando entre despedidas. Hoy, mis ojos se fixaron en este chico buraco que sus manos en la piedra tallaron. Árboles fueron testigos. Nunca quisieron borrarlo, que aquí vivieron si Dios y sus recodros dejaron en el buraco de piedra. Ya no topo mezuzá, mas los árboles me contaron que nada se pedrerá. Chez les Juifs originaires d'Espagne, la nostalgie de Séfarade a toujours été présente. L'Espagne a probablement payé cher l'expulsion car l'appareil des temps embryonnaires de la Reconquête était souvent occupé par les Juifs. Certains historiens ont même prétendu qu'une partie du retard espagnol est imputable à cette expulsion de 1492. Les Espagnols, eux, ont longtemps été indifférents au sort des expulsés. Mais l'histoire est facétieuse et alors que le décret d'expulsion était toujours en vigueur, l'Espagne, dans le courant du XIXe siècle, va redécouvrir cette partie d'elle-même, répartie aux quatre coins du monde. Daniel Rosenberg. La première rencontre est à l'occasion de la guerre d'Afrique. Les troupes espagnoles occupent Tétouan, et lorsque les troupes entrent dans Tétouan, elles sont accueillies par une population misérable qui les accueille comme des libérateurs. Et cette population, donc, qui parle effectivement un espagnol archaïque, entre guillemets, ce sont les descendants des Judéos espagnols expulsés d'Espagne qui ont été victimes la veille d'un pogrom. Donc ils accueillent comme des libérateurs et ils vont, durant les 27 mois de cette occupation, servir d'intermédiaire entre les deux populations. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a des journalistes qui sont sur place, qui relatent cette occupation. Mais de fait, cette population est misérable, elle est peu nombreuse et elle n'intéresse pas grand monde dans la péninsule. Donc on va l'oublier. L'autre moment fort, en fait, va être cette découverte donc, des judéo-espagnols des Balkans, cette fois, par le sénateur Angel Pulido. Lors d'un voyage, lors d'une croisière sur le Danube, le sénateur Angel Pulido rencontre sur le bateau des personnes qui parlent espagnol, un étrange espagnol à ses yeux. C'est une fois encore le judéo espagnol tel qu'il se parle dans la diaspora, et ces personnes lui apprennent l'existence de communautés hispanophones qui sont assez prospères dans différents lieux des Balkans, et le sénateur est absolument enthousiasmé, intéressé par tout ce patrimoine espagnol que ces personnes ont conservé. Et lorsqu'il revient en Espagne, il va commencer donc des campagnes de sensibilisation. Il fera un second voyage où il va d'ailleurs rencontrer d'autres personnes. Il va établir des liens suivis. Ils vont s'écrire régulièrement. Il va mener une sorte d'enquête un peu de type sociologique. Et il va publier plusieurs ouvrages, dont l'un au très beau titre « Espagnol sans patrie » pour faire connaître aux Espagnols donc, la réalité de ces personnes. À partir de ces retrouvailles, la nostalgie va cesser peu à peu d'être à sens unique. Et aujourd'hui, discrètement mais vraiment au fond, a surgi une nostalgie espagnole à l'endroit de Séfarade. Les surprises du 19e et du début du 20e, empreintes d'intérêt pour des femmes et des hommes aussi attachés à une langue, d'intérêt aussi pour ces Espagnols sans patrie dont parle Ángel Pulido mais qui ont capitaux et expertise financière, cette surprise s'est peu à peu transformée en fascination. Cristina Fontana est psychanalyste à Madrid. J'ai un ami qui est en train de faire un recensement de tous les gens qui étaient inscrits au XIIe siècle. Je ne sais plus si c'était lui à Tolède ou à Salamanque. Et il cherche tout ça. Il est en train de faire un livre comme ça. Il le fait pour lui. Un autre qui est en train de comparer le droit castellano de l'époque avec le droit juif. Il fait une analyse comparée des deux droits. Alors, c'est comme si les gens, ça leur manque cette espèce de cultura, d'illustration, de l'apportation des différences. Et ça, oui, on regrette ça. On le sent comme une grande perte, je crois, le fait que nous, on n'a pas eu ces gens tellement cultivés, étudieux et et qui ont apporté dans nos cultures des tas de richesses, non? Peut-être que les émigrants nous en apporteront aussi. La vida es un pasaje por ganar a ver. La recherche de racines juives, d'une identité perdue sous le coup des conversions forcées, est une constante de ces dernières années dans l'Espagne, dans une Espagne qualifiée il y a peu de pays bien portant de l'Europe, le récit de Daniel Rosenberg. On trouve depuis une vingtaine d'années ou plus en Espagne un certain nombre de personnes, et notamment dans les lieux qui ont connu en fait des établissements des communautés juives à l'époque médiévale, des communautés florissantes, alors on trouve cette recherche d'éventuelles racines juives. C'est tout à fait intéressant de voir que les responsables des communautés juives, les personnes qui sont en contact, enfin, de par leur travail avec ce thème, reçoivent des lettres qui sont presque toujours formulées de la même façon. Je m'appelle Pérez, ma mère s'appelait Zaragoza, et on dit que dans ma région, il y avait de nombreux conversos, et on me dit que je pourrais être d'origine juive. Donc à partir de là, l'imaginaire travaille, et voilà, ces gens se supposent d'origine juive. Pourquoi, au fond, cet imaginaire qui positive une ascendance juive, et d'ailleurs il est intéressant de voir quand on pense au statut de pureté du sang qu'on est en train d'inverser totalement la logique, c'est-à-dire là où l'appartenance juive était stigmatisée, tout à coup ça devient un attribut valorisant. C'est une de ces pirouettes de l'histoire. Et puis, ce que je me demande aussi, c'est pourquoi l'hérédité juive et pas l'hérédité musulmane. De toute évidence, il y en a une qui est valorisée dans cette Espagne d'aujourd'hui, et une autre qui ne l'est pas. Et puis il y a effectivement des lieux qui ont vécu une histoire exceptionnelle. Et je pense aux Chouetas de Palma de Majorque. Dans l'île de Majorque, une population qui représentait environ 2% de la population a été marginalisée de par son ascendance juive, en raison donc de l'endogamie. Des noms ont été stigmatisés au fil de l'histoire, et donc des personnes qui étaient catholiques, converties en plus au XIVe siècle, 1391, ont été considérées comme juives, et donc exclues, marginalisées dans l'ensemble de la population. Alors ces personnes, elles, ont effectivement gardé une mémoire de l'exclusion, puisque cette exclusion a duré jusqu'aux années 1960. Et là, il y a eu un renversement de l'histoire absolument impressionnant. C'est-à-dire là où le thème n'était jamais évoqué à Majorque, aujourd'hui, il est partout dans la presse. Et vraiment, dernier rebondissement, quelques personnes issues de ce monde chouetta se revendiquent juives et vont jusqu'au bout de cette recherche identitaire, puisque deux ou trois personnes sont allées en Israël, se sont converties. L'un est rabbin dans une yeshiva, et enfin il y a un petit groupe actuellement en Espagne qui se revendique comme les descendants de ces convertis par la force, et qui se revendique donc au nom de leur ascendance comme juifs de fait. Ce que cette nostalgie réciproque permet, c'est de reconnaître aux Juifs d'Espagne une place singulière dans la construction du pays. Tel est le cas à Melilla, Pepe Mejías. Melilla no es un conjunto de consistencia, de cultura y una comunidad hebrea. Ici, il y a une communauté juive pas très nombreuse, mais très importante parce qu'elle a été le moteur de cette ville. Le vrai Melilla, pas celui d'une supposée conquête il y aurait 100 siècles, la vraie Melilla, celle des citoyens, date de la fin du 19e. Et qui va créer la communauté de ces Melilla des citoyens? Eh bien, ce sont les Juifs qui viennent du Maroc, les Séfarades qui reviennent en Espagne. Ce sont eux qui créent le tissu économique et qui développent le tissu social de la ville. Les tout débuts de ce qui allait être une vie institutionnelle qui viendra plus tard, l'embryon du premier conseil municipal de Melilla s'installe dans la maison Salama. Don José Salama, qui appartient à une famille juive très prestigieuse de Melilla, prête sa maison pour que se réunissent les représentants, encore non élus, des citoyens. Et les musulmans de Melilla savent que c'est l'exacte vérité. Bien que cette communauté qui a contribué à la création de la ville ne joue plus un rôle de premier plan, elle est toujours présente dans la construction imaginaire du Melilla d'aujourd'hui. Vicente Moga, directeur des archives de Melilla, historien. L'apportation économique fondamentale fue la de los hebreos. Les Juifs ont apporté l'essentiel de l'activité économique de Melilla. Aujourd'hui, l'identité de la communauté juive de Melilla est paradoxale. Il n'y a pas de reconnaissance claire des Juifs qui ont été tués au cours de la guerre civile. Le jeune Mafoda est torturé et tué du seul fait qu'il appartenait au Parti Socialiste. Le cas de Mafoda Serfati et d'autres jeunes juifs liés à l'épisode de la guerre civile n'est pas constitutif de l'identité de la communauté juive aujourd'hui à Melilla. Au XXe siècle, les juifs voient Melilla comme un grand marché, comme une terre qui pourrait ressembler à ce qu'ils s'imaginent être Jérusalem ou la Palestine. Ils s'installent ici profondément et font des gros investissements, notamment dans l'immobilier. Encore aujourd'hui, il y a des maisons qui appartiennent à des Juifs qui habitent à Caracas ou à Jérusalem, etc. Aujourd'hui, la communauté juive est principalement emblématique de l'univers intellectuel, de l'engagement. Mais il faut dire que cette communauté est aujourd'hui très réduite. Combien peuvent-ils être ? 300 ? 400 ? Les retrouvailles entre l'Espagne de Séfarade et l'Espagne catholique, apostolique et romaine ne se sont pas reconstruites de façon linéaire. Beaucoup d'empathie et de promesses peu tenues dans un premier temps, espoir réel à la naissance de la République, engagement à ses côtés contre le fascisme dans les brigades internationales, puis longue période d'ambiguïté à la fin de la guerre civile et sous le franquisme. Bien qu'il faille clairement séparer le discours rhétorique, toujours réactionnaire, qui faisait allusion au complot judéo-maçonnique, et une réalité plus laxiste. Daniel Rosenberg. Après la victoire des franquistes dans la guerre civile et donc l'établissement de la dictature franquiste, immédiatement sont promulguées différentes législations qui rétablissent une Espagne catholique dans la continuité des rois catholiques. Et donc les autres religions sont interdites et le judaïsme est interdit. Donc les quelques dizaines ou quelques centaines de juifs qui sont sur place se retrouvent dans la clandestinité puisque les mariages sont interdits, le baptême des enfants est obligatoire pour les inscrire à l'état civil et on parle de néo-maranisme au sens où il y a une pratique clandestine. Mais ce qui est intéressant quand même de noter, c'est qu'au fond, le régime franquiste n'a pas dans sa pratique d'attitude anti-juive. Très vite, je crois que c'est en 1945, les communautés ont des pratiques religieuses tolérées. Enfin, très vite, il y a une tolérance religieuse à l'égard du judaïsme. Parler d'ambiguïté n'est pas manier la litote, car en même temps que se manifeste un certain laisser-faire, la méfiance se construit dans l'appareil policier et judiciaire. On vient de découvrir récemment que le national-catholicisme du général Franco s'était doté au début des années 40 d'un fichier juif. Daniel Rosenberg poursuit ainsi. On découvre donc qu'en mai 1941, une ordonnance de la Direction générale de la sécurité ordonne aux différents gouverneurs civils d'établir un fichier, en fait, de recenser les juifs, espagnols et étrangers résidant dans leur province, avec un certain nombre de caractéristiques, en raison, est-il dit, de la dangerosité supposée de cette population. Alors en fait, ce fichier juif, dont on a tout récemment découvert l'existence, pose beaucoup de problèmes et d'interrogations. J'ai tendance à croire qu'il n'y a pas là d'influence allemande au sens où il semble se présenter comme un parallèle au fichier anti-maçonnique. Ce qui est évidemment troublant en Espagne, ce sont des politiques contradictoires ou ambiguës. Alors, on a souvent dit qu'il y avait des discours anti-juifs, antisémites, des discours, certes, parfois violents, on pense à ceux de Queipo de Llano, mais qu'en acte, la politique était tout autre. C'est largement vrai. Il est vrai que l'Espagne a toujours affirmé, alors au plan extérieur, dans l'Europe occupée par les nazis, son principe de non-discrimination raciale. Il y a différentes déclarations en France par le consul Bernardo Roland qui répond à une demande du commissariat aux questions juives. En Roumanie, il y a deux ou trois déclarations absolument catégoriques disant l'Espagne n'établit aucune discrimination entre ses citoyens, ses ressortissants, aucune discrimination religieuse ou raciale. Et puis, autre aspect encore troublant, au moment même où on crée un fichier juif et où il y a des discours très virulents, parce que, bien sûr, on pense aussi au discours de 1939, après la victoire de Franco, qui se réfère à la collusion judéo-maçonnique, des discours d'une très grande violence, violemment antisémite, Et à la même période, on crée à Madrid un institut qui va se consacrer aux études séfarades. La nostalgie espagnole de Séfarade avait des années durant travaillé le corps social espagnol, tant et si bien que de façon toujours aussi ambiguë, l'Espagne franquiste jouera un rôle dans la protection des juifs séfarades pendant la Seconde Guerre mondiale. Daniel Rosenberg. Quelques 30 000 juifs ont eu la vie sauve en passant par l'Espagne, en transitant par l'Espagne, soit à partir de visas qu'ils avaient reçus, soit en entrant clandestinement, mais en ayant quand même la possibilité donc de se sauver. Donc c'est une réalité, il n'y a qu'une raison de le nier. Ceci dit, ce sauvetage organisé s'est fait avec de considérables ambiguïtés, dues au fait, on peut le supposer, que le thème juif n'intéressait pas spécialement les dirigeants franquistes, à commencer par Franco, mais qu'en même temps, que d'autre part, la grande crainte, ce qui était vraiment redouté, c'était un établissement juif à nouveau en Espagne, 350 ans après l'expulsion, c'est-à-dire au fond que la question juive se repose en Espagne, et d'autre part, évidemment, au fur et à mesure où la victoire alliée se dessine, à partir de 1942, l'Espagne va s'impliquer davantage dans le sauvetage de ses juifs. Le rôle des diplomates en place va être déterminant. Et ce sont souvent ces diplomates qui vont, dans leur application des consignes officielles et dans leur façon d'essayer de contourner ces consignes officielles, qui vont jouer un rôle déterminant dans le sauvetage des juifs. Alors, on connaît bien sûr le rôle de Bernard de Roland en France, et plus encore le rôle de Sanz Prinz en Hongrie, qui va accorder des visas. Le retour de Séfarade aujourd'hui n'est pas une question anecdotique ou strictement sentimentale, même si elle en revêt les habits. Ce retour de Séfarade interroge, et plus qu'on ne le croit, l'identité de l'Espagne, et au-delà, celle des Espagnols. Une étude récente, présentée par l'American Journal of Human Genetics, révèle que 30% des Espagnols ont des traces génétiques d'origine juive ou maghrébine. L'Espagne comptait plus de 400 000 juifs lors de l'expulsion de 1492. Or, les rois catholiques en rejettent cette même année 160 000. Selon les historiens qui ont travaillé sur ces données, cela voudrait dire que les conversions volontaires ou forcées ont été probablement plus importantes que prévues. Certains chiffres d'aujourd'hui, des chiffres récents, disent qu'on compterait 8 millions de descendants de juifs espagnols à travers le monde. Ces chiffres sont du début décembre 2008. En soi, ils ne disent rien d'autre que l'Espagne a vraiment été pluriculturelle et que ce pluriculturalisme qui a été gommé pendant 5 siècles et qui réapparaît aujourd'hui, ce pluriculturalisme est probablement une des composantes de l'identité espagnole. De ce point de vue, le Marrane est un personnage emblématique de cette identité. Pendant des siècles, il va vivre sous une double identité, une identité publique, catholique et espagnole, et une identité privée, espagnole et juif, le rituel religieux jouant le rôle d'une mémoire vivante, reliée à un passé et permettant de vivre une nouvelle identité, cette dernière imposée. La force et la particularité du Marrane a été de savoir se cacher, et de savoir cacher. Et d'après Olivier Seban, dans Amapola, il y a une ressemblance troublante entre le Marrane et le Républicain. Il m'a semblé que la guerre civile espagnole était le résultat d'une suite d'événements qui débutaient à partir de ce moment crucial qu'on appelle la catastrophe de 1492, l'expulsion des Juifs, et d'une certaine façon d'un appauvrissement ensuite de l'identité espagnole. Et je pense que ce moment de guerre civile de 1936 est l'apogée et l'instant où on retrouve tous les conflits larvés qui se sont exprimés au cours des siècles. Et j'ai voulu faire le parallèle entre Marrane et Républicain parce qu'il m'a semblé que les républicains, finalement, étaient minoritaires. Et les républicains ont dû se dissimuler. Et ce qui est ressorti du conflit majoritairement, ça a été plus une histoire de combat entre des extrêmes comme les communistes, les anarchistes et les carlistes, les phalangistes, les franquistes. Les républicains étaient finalement minoritaires, écrasés par des tas d'enjeux dans une Espagne en déliquescence. Une Espagne qui avait une volonté d'en découdre avec l'ennui plus qu'autre chose. Et il m'a semblé que les républicains finalement n'avaient pas la parole. Et j'ai retrouvé dans cet aspect le côté marane, c'est-à-dire obligé de se cacher, obligé de pratiquer en secret. Vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan. Avant que d'être un royaume unifié avec un seul monarque, l'Espagne a été une somme de royaumes dont l'instrument d'unité a été le catholicisme. Ce qui peut expliquer que le retour de la question juive dans la société espagnole signe le débat identitaire que traverse le pays, débat identitaire qui ne peut pas se résumer à la seule confrontation entre nationalistes espagnols et nationalistes basques ou catalans. La question identitaire vient de beaucoup plus loin. Daniel Rosenberg. La question juive cristallise les débats, les interrogations sur l'identité nationale. Poser le thème des racines juives de l'Espagne, le thème de l'ouverture, le fait que l'Espagne devrait s'ouvrir à nouveau aux juifs et aux musulmans également, c'est s'interroger, c'est débattre sur une conception de ce qu'est la nation espagnole. Et en ce sens, alors que les juifs sont si peu nombreux, d'ailleurs le débat se fait lorsqu'il n'y a pas de juifs en Espagne, et plus tard ils sont très peu nombreux, aujourd'hui encore ils sont très peu nombreux. Cette importance donnée au thème est due au fait que ce sont des enjeux nationaux. Enfin, est-ce que la filiation se fait depuis l'Hispania romaine et les Visigoths, ou bien est-ce que le creuset, l'identité de l'Espagne, c'est après l'an 1000, autour de l'an 1000, ce qui se joue sur ce territoire? Aïe. Una grande pena tenía, ay, una grande pena tenía. La nostalgie réciproque de Séfarade a des conséquences dans la politique étrangère de l'Espagne. Elle rêve, le pays rêve, d'être un acteur dans le conflit israélo-palestinien, comme si le fait d'avoir expulsé ses juifs et d'avoir été occupé par les Arabes lui donnait des obligations, des atouts et des droits. Le vœu est là, et bien là. La réussite, elle, n'est pas au rendez-vous. Ça fait longtemps que l'Espagne prétend jouer un rôle au Proche-Orient. Et de fait, on pourrait dire qu'un des actes les plus évidents, c'est la grande conférence de Madrid en 1991, lorsque se tient à Madrid une conférence pour la paix au Proche-Orient, et où d'ailleurs où la presse, je crois qu'il y a un titre d'ABC qui dit « Juifs, morts et chrétiens à nouveau en Espagne ». Enfin, donc il y a ce positionnement. Et effectivement, la Casa Sefarad, c'est une institution du ministère des Affaires étrangères. C'est une logique donc de rapprochement effectivement politique, de ces mondes différents en termes d'action diplomatique. Et la Casa Sepharad, elle a pour slogan un pont entre l'Espagne et le monde juif. Et c'est ça l'idée. Le monde juif à ses différents niveaux, c'est-à-dire le monde juif au plan intérieur, au plan de la diaspora judéo-espagnole, disons le monde séfarad, et avec l'État d'Israël. Et là, c'est effectivement une action culturelle de type diplomatique. Luz de Sepharad. re.rne@rtv.es. Nostalgies espagnoles, un voyage dans l'identité de l'Espagne, un documentaire sur les docks proposé par Patrick Pépin, attaché de production Christine Gage et Laure-Hélène Plancher, voix en français Marta Domingo, prise de son Véronique Amiot et Michel Lindeneer, mixage Marie-Thérèse Ferrand, réalisation Christine Diger. Thank you.